L'aïeul, grave à mettre dans une Bible, mage que sur l'Horeb Moïse eut tutoyé, n'était rien qu'un bon vieux grand-père extasié. Il ne résistait pas au charme et, sans défense, honorait, consultait et vénérait l'enfance. Il regardait le jour se faire en ce cerveau. Paul avait chaque mois un bégaiement nouveau, effort de la pensée à travers la parole, sorte d'ascension lente du mot qui vole, puis tombe et se relève avec un gai frisson et ne peut être idée et s'achève en chanson. Paul assemblait des sons, leur donnait la volée, scandait on ne sait quelle obscure strophe ailée, jasait, glosait, sans se taire un seul instant, et la maison était ravie en l'écoutant. Il chantait, tout riait, et la paix était faite. On eût dit qu'il donnait le signal de la fête, et les arbres parlaient de cet enfant entre eux. Et Paul était heureux. C'est charmant d'être heureux.